Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Bibliothèque. Liberté numérique. Société de l'information. Casse-longe sur deux. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Pense à ça. Ni filtrage, ni censure. Nous voulons net, libre et ouvert. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, Bonsoir et bienvenue, c'est Random numéro 27, il est 19h, on est ensemble pour une heure, normalement, si vous tenez le coup. Et ce soir, bah, pour l'instant, il y a DB, bonsoir. Bonsoir. Et il y a moi, la technique, donc Martigan. Donc aujourd'hui, on vous a prévu quoi? Bon, bah, des petites actus locales, on parlera de Cité Philo 2010. Ensuite, actualité du logiciel libre, on parlera de l'Unicode 6. Et des domaines en Unicode, du coup. Tout à fait. Actualité du milieu hacker avec le PH. Bah non, ça on le traitera en sujet. Donc, oui. Ouais, ça fera. Voilà. Et le site web du magazine électronique FRAC. Ouais, pour la sortie du FRAC 67. Voilà, ensuite du côté censure, filtrage internet et neutralité des réseaux, on parlera d'Alopsy. Un petit peu vite fait, enfin juste pour dire. Un petit peu vite fait. Votre culture, c'est la nôtre, on parlera d'Adopi. Dans le joyeux monde de l'InfoSec, on verra un petit peu des petites extensions Firefox, comme ça s'appelle. Des plugins, Des plugins, extensions des plugins, Firefox, voilà. Ouais, tout bêtement. Et tiens, faille dans IE. Oui, mais ça c'est Little Charlie qui va venir nous en parler dès qu'il arrive. S'il arrive. Oui, s'il arrive. Ensuite, n'ayez pas peur, faites-nous confiance, on verra l'espionnage des journalistes. Par le gouvernement. Attends, dis pas que c'est le gouvernement. Attends, ça va encore être de la diffamation et tout. Non. J'ai dit ça? Ça s'est entendu? Bah, un petit peu, ouais. Ah merde, je pensais pas l'avoir dit tout en fait. C'est pas grave. Ah, j'ai connu. Et donc, le dossier, ce sera un retour sur le Plastic Hackerspace Festival. Avec un petit compte rendu. Peut-être une interview téléphonique, c'est ça que j'ai cru comprendre? Probablement. Ouais. C'est prévu d'ailleurs. Voilà, ensuite viendra l'agenda et. Des petites pauses musicales, ici et là. Ici et là, ouais. Voli. Bon, bah on va commencer l'émission rapidement. Par les actualités locales, du coup. Actualité locale. Actualité locale. Et voilà, c'est les superbes jingles. Vraiment, je suis fan de ces jingles. L'actualité locale, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que... du 5 au 28 novembre, donc c'est déjà commencé, mais voilà. Il y a un truc qui s'appelle Cité Philo 2010. Donc c'est un truc, pendant un mois, voilà, du 5 au 28 novembre, il y a 3, 4, 5 conférences orientées philosophie, sociologie, psychanalyse, art, etc., culture, organisées donc sur l'île et environ. Alors. Là-dedans, bon, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont peut-être moins intéressantes, en tout cas dans le cadre de Random. Il y a une petite track science avec par exemple une conf sur les neurones, sur comment l'arrivée du concept, de la notion de neurones, la découverte de comment ça fonctionne le système nerveux humain, etc. Comment ça a bouleversé un petit peu les données en biologie et pas seulement, enfin de manière plus générale dans ce qu'on appelle maintenant les sciences cognitives. Il y aura des trucs sur comment Copernic, etc. Sur des trucs un petit peu anciens. Il y aura quelques confs, je crois deux ou trois, sur la théorie des biens communs, dont une qui cite les logiciels libres et communautés d'utilisateurs et de développeurs de logiciels libres dans son petit synopsis. Donc bon, il y a peut-être une ou deux confs intéressantes à aller voir de ce côté-là. Il y a une conf aussi intéressante, enfin qui m'a paru intéressante sur le coup, c'est une conf sur les sourds qui refusent les appareils auditifs. C'est-à-dire comment et pourquoi refuser le progrès technique. C'est sur les personnes qui sont malentendantes et ne souhaitent pas avoir un appareil auditif parce que finalement l'ouïe, ils vivent très bien sans ouïe. Et ça pose un certain nombre de questions. Donc c'est très orienté philo, comme son nom l'indique, avec des philosophes parfois de renom, des personnes assez connues qui vont venir intervenir. Je vous donne pas plus d'infos là-dessus parce que c'est un petit peu périphérique, mais www.citéphilo.org, c'est assez intéressant. Donc voilà. Sur l'actualité du logiciel libre. Charles n'est pas là, il vient de nous prévenir qu'il arrivera d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Donc, on peut peut-être le traiter plus tard. On le traitera plus tard, je pense, dès qu'il arrive. Alors, du coup, actualité du milieu hacker. Oui, tout à fait. Actualité. Hacker. Actualité. Hacker. Actualité. Hacker. Censure. Allons. Non, censure. Oh là là, il fait froid dans le studio, on a les doigts tout engourdis. Actualité du milieu hacker, c'est juste pour dire que le site web du magazine électronique FRAC annonce la présence d'un stand FRAC au RoxCon 2010. Donc le RoxCon 2010, c'est une conférence habituelle qui se passe tous les ans, c'est à Melbourne en Australie. Et donc, ça l'édition du ça RoxCon. Et donc l'édition 2010 aura lieu les samedis 20 et dimanche 21 novembre, donc à Melbourne en Australie. Il y a peut-être un petit peu d'espoir de voir le 67e numéro qui sera peut-être publié à cette occasion. Ce serait bien d'avoir le nouveau FRAC un jour, parce que quand même on l'attend depuis cet été, et on aimerait bien pouvoir mettre les yeux dessus, un de ces quatre. Donc du coup, censure maintenant. Censure. Filtrage d'internet. Et neutralité des réseaux. Et ben voilà. Le petit jingle, c'est bien. Enfin, si vous avez on rappelle qu'il y a un canal Silk sur le réseau silk.dg-c.org. Le canal s'appelle Random. Et si vous avez un petit peu des remarques à faire sur les jingles, sur les musiques qu'on passe dans l'émission, faut pas hésiter parce qu'on suit un petit peu. On suit ce qui se dit dans les commentaires de l'émission. Donc du coup, censure, filtrage d'internet et neutralité des réseaux. Notre petit point notre habituel petit point sur la loi LOPSI. Donc la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Oui. Il me semble, c'est ça. Hein. Et donc c'est la fameuse loi qui prévoit la censure gouvernementale d'internet en France, avec des listes noires pas publiques, tout ça, et les fournisseurs d'accès qui vont être obligés de censurer l'accès à internet en France. Donc, alors, il y a un petit truc assez intéressant, c'est chez France Info. France Info a fait une petite chronique, le plus France Info. C'était le 26 octobre dernier. La petite chronique s'appelait la face cachée d'Adopi et de l'Opsi. En gros, c'est une petite chronique qui dure quelques minutes et qui explique comment en fait la loi Adopi sert en fait de cheval de Troie pour introduire subrepticement comme ça à petits pas la censure d'internet en France. Et du coup, en fait, faire le lien entre toutes ces petites lois qu'on a vues toutes les unes après les autres arriver depuis la LSI en novembre 2001, oui. Donc une loi qui a été votée par le Parti Socialiste, la fameuse gauche plurielle dont faisait partie Martine Aubry et tout ça. Et toutes ces petites lois en fait qui ont amené les logs pendant un an, tout ça, l'augmentation progressive de la durée de conservation des données personnelles par un petit peu tout le monde en fait, les hébergeurs, les éditeurs de contenu, etc. Toutes ces petites lois en fait, puis après la loi Adopi, puis la loi LOPSI, qui vont amener progressivement la censure d'Internet en France. Et alors du coup, Monsieur Walter, le patron de la Adopi, a adressé un coup de fil plutôt méchant à la rédaction de France Info, parce que du coup, il était pas super content qu'on amalgame la Adopi à une tentative de censure dans l'internet français. Vous comprenez, c'est un outil de pédagogie, la Adopi, quand même. C'est un outil de pédagogie qui coûte 12 millions d'euros quand même, plus le salaire de Monsieur Walter, qui s'élève à 180 000 euros par an. 1, donc un petit salaire, c'est quelqu'un de très gentil, tu vois. Donc voilà. Alors sur la LOPSI, en fait, là, on a quelques, voilà, on a quelques infos qui commencent à apparaître, parce que le projet de loi qui doit passer en seconde lecture à l'Assemblée nationale, le calendrier parlementaire avait été un peu bousculé par l'actualité de la loi sur la retraite, etc. C'était un peu... cette loi qui doit être votée depuis 2009 n'est toujours pas votée. Et elle passera donc, elle a été donc réinscrite pour la xème fois au calendrier parlementaire, et donc elle serait a priori discutée entre le mardi 23 novembre et le vendredi 26 novembre, donc dans deux semaines. Dans deux semaines, on aura peut-être une loi qui votera la censure gouvernementale de l'internet français. Bon, et tout le monde s'en fout, mais voilà, nous ça nous fait pas super plaisir. Et voici le seul, le vrai, l'unique. Bonsoir. Ah, ton micro est pas allumé. Ah, si, maintenant. Et voici Little Charlie. Je vais finir là-dessus, puis après on fera la news sur l'Unicode. Alors, donc, autre news assez rigolote, en fait, tant qu'on est à parler des rapports entre la DOPI, la LOPSI, tout ça, la censure d'internet et comment la DOPI est en fait. Le seul vrai but, puisque la DOPI est un truc qui est complètement inutile, qui sert à rien et qui crame 12 millions d'euros de budget de l'État, et qu'en fait c'est juste un cheval de Troie pour faire entrer le filtrage et la censure d'internet en France. Il y a un rapport parlementaire qui réclame la fusion de l'ARCEP, du CSA et de la DOPI. Donc l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, c'est le gendarme des réseaux, mais côté opérateur. Si on peut dire ça comme ça. Le CSA, donc c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est le truc qui censure les radios et qui gueule sur Radio Campus quand ça va pas. Et puis la HADOPI, donc la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, c'est le truc qui va couper Internet à 90% des internautes français, parce que vous comprenez, ils téléchargent Taxi 4 et c'est pas bien. Donc c'est un rapport parlementaire, c'est-à-dire c'est juste une idée, les parlementaires qui font un rapport. L'idée en fait c'est un rapport parlementaire qui parle des différentes de la multiplication et de l'efficacité réelle des autorités administratives indépendantes. Vous savez, les trucs comme la CNIL qui font pas leur boulot, tout ça. Du coup, en fait, on va rationaliser, parce que voilà, on est dans des temps de rigueur économique, tout ça, on va rationaliser un petit peu les autorités indépendantes, et donc fusionner l'ARCEP, qui sert donc à réguler les télécoms et les opérateurs réseau, le CSA, le truc qui sert à dire à TF1, oui, continuez à nous montrer des super émissions de télé-réalité, tout ça, et qui à côté, pendant ce temps-là, on a du temps de cerveau disponible pour faire de la pub et faire plaisir à tous ces gens-là. Et la HADOPI, donc le truc qui va vous couper Internet et vous mettre du filtrage sur votre ordinateur. Ce rapport, en fait, il est signé Christian Van Est et René Dosière. Christian Van Est, c'est un de nos copains bien locaux, bien de chez nous. C'est le député UMP du Nord, connu pour ses positions racistes et homophobes. Et il est également connu pour avoir récemment exprimé son souhait d'une collaboration entre l'UMP et le Front National. Voilà un petit peu le genre d'homme à qui on a affaire. Il faut signaler quand même qu'il est considéré comme un copain par la Quadrature du Net, depuis qu'il a voté contre la loi HADOPI. Je pense pas qu'il soit vraiment considéré comme un copain. Il a juste eu du bon sens sur certains textes de loi comme la loi HADOPI, mais c'est pas pour ça que c'est un copain. D'ailleurs, de toute façon, il était rapporteur pour la loi d'Abzi. Si je ne m'abuse. Oui, et en fait, simplement, il s'était rendu compte que Datsi ne servait à rien et que ça servait à rien de voter HADOPI. C'est pour ça qu'il était contre HADOPI. Il s'est rendu compte que faire une deuxième loi dans la même optique sur le même sujet, c'était peine perdue. À quelques années à quelques intervalles, DAPSI c'était quoi, 2004, c'était 2006 2004. Et HADOPI 1, 2009. Donc voilà. Enfin, c'était une petite pointe sur la Quadrature, hein, rien de bien méchant, mais c'était juste que il y avait du coup écrit dans le mémoire politique de la Quadrature, c'était il y avait un petit signalement en vert pour dire ok, parce que les autres ont un signalement en rouge, ceux qui ont voté contre la, enfin pour la DOPI ont un signalement en rouge, lui il a un signalement en vert là-dessus, et il n'y a pas plus d'infos, donc c'était juste pour ça. Et alors René Dosière, donc c'est un député de l'Aisne, un député Parti Socialiste, donc voilà un petit peu la collusion entre l'UMP et le Parti Socialiste sur le numérique et la censure d'Internet. Lui en fait, voilà, parce que à la limite Christian Van Est, on peut encore dire voilà, c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu bossé sur les sujets d'Internet, tout ça, parce que bon, la loi d'Adzi, la loi Adopi, il était au courant, il a suivi un peu le truc, tout ça. Bon, c'est loin d'être un expert, on va pas non plus rigoler là-dessus, mais voilà. Alors René Dosière, lui par contre, c'est un expert d'Internet. Attention, il a un blog hébergé par Overblog, qui est une filiale de TF1. C'est vraiment la personne qui connaît vraiment Internet et qui peut faire un rapport parlementaire sur la fusion de l'ARCEP, du CSA et de l'Adopi. Vraiment le gars qui... On comprend bien que c'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle. Alors du coup, la news a été balancée par PC Impact, avec le lien vers le PDF de 190 pages, qui n'est que le premier tome du rapport parlementaire de ces deux types-là, quand même. Et voilà, alors Sherry Wright Webb, Fabrice Eppelboin, lui en fait, il a pris une... Bon, il a fait un truc un petit peu provoque quand il a balancé la news. Lui, il parle d'un futur ministère des guerres coloniales de l'Internet. C'est ça, une espèce de grosse agrégation du gendarme des télécoms, du gendarme des tuyaux et des fibres optiques, du CSA, donc l'autorité de régulation de l'audiovisuel, et de la Adopi, donc le truc qui coupe l'accès à Internet à ceux qui téléchargent pas dans les clous. Donc lui, il parle d'un futur ministère des guerres coloniales de l'Internet. Bon, puis il y a d'autres... Voilà, donc il y a eu un traitement presse assez intéressant là-dessus. En fait, on commence à se rendre compte que ce qu'on dit en random depuis un an, ben, malheureusement, on a raison. On continue sur l'IPv6, l'IPv4. Ouais, je propose une petite pause musicale, ça fait déjà 17 minutes qu'on parle. D'accord, petite pause musicale. Bon bah, restez avec nous, vous êtes sur Radio Campus. Vous pouvez nous joindre au 0320 91 24 00 pendant les pauses musicales ou sur le canal random du réseau silk.dg-sc.org. Toutes les infos sont sur lille.dg-sc.org/random. Reviens, je t'amuserai, je te le promets. Cécilia, première dame de France, j'ai rêvé de toi, un rêve à la fois doux et rance. Carla Cilia, Cécilia, ex-première dame de France, j'ai rêvé de toi, un rêve à la fois doux et rance. Par une froide soirée d'hiver, mes collègues t'ont kidnappé, bâillonné, au fond d'une fourgonnette, ils t'ont abandonné. Ferme ta gueule, grosse t'en bave, tu ne comprends rien à ce qu'ils disent, déjà tu en baves. En quelques jours à peine pour te faire comprendre, tu parles comme eux. J'ai faim, me laisse pas en galère, mon vieux. Tu es méconnaissable, mais c'est bien toi, Carla Cilia. Au fond de toi, j'ai mis mademoiselle la honte, mais tu ne l'écoutes pas, Carla Cilia. Au bout de 2 semaines, on te laisse sortir, tu découvres ta nouvelle demeure. T'es dans une tour de béton insalubre et grise. Tu voudrais qu'on te pose dans le vide pour qu'à l'instant tu meures. Mais tu ne mourras pas, tu vas survivre, comme nous autres. Un ange, démon gardien, surveille tes déplacements. Tu n'as pas le droit à la faute. Le 93, c'est tellement grand. Même si tu le pouvais, tu ne prendrais pas la poudre des tempêtes. Alors on te file un petit job dans un mini supermarket. Et tu côtoies chaque jour de ta misérable nouvelle vie. Les miens, nous qui tenons tellement de fil à retordre à ton mari. Chaque jour tu croises la petite misère et le désarroi. Mais toi ça ne te touche pas, tu restes Carla Cilia. Tu n'es pas comme nous. Tu es insensible à ce qui est beau de par chez nous. Tu méprises ce que tu croises. Le regard est pour toi comme une ruée de coups. Très vite, tu comprends que ta paye de caissière ne suffit plus. Depuis qu'on t'a laissé à charge 3 bambins sans parents, ni papier, ni statut. Alors tu fais la queue à la CAF 93. Tu te bats, tu fais ce qu'il faut, tu remplis les formulaires. Il t'aura fallu 2 heures pour comprendre qu'il faut prendre un numéro pour avoir le droit d'être reçu comme de la demeure. Après 4 heures dans le bâtiment, tu es une femme au-delà de la crise de nerfs. Tes larmes sont abondamment tombées quand ton attente a été enfin récompensée. L'impression de renaître quand tu apprends que les allocs allaient être versés. Tu vas pouvoir acheter des vêtements pour tes chiards, mettre des fleurs sur la table pour égayer la vie de ton mitard. Carla Cilia, tes enfants ne mangent pas à leur faim. Tu te couches chaque soir rempli d'angoisse en pensant au lendemain. les regards de ceux qui te jugent sans savoir à quel point tu te bats, que tu as petit feu. Comment conserver un minimum de dignité quand l'existence est si misérable, si au moins vous étiez deux. Et tu te mets à penser à lui, lui qui remue ciel et terre pour te retrouver. Président de tous les Français, torturé par le remords, il est effondré. Il peine à dissimuler sa détresse dans le petit écran. Il clame que ce terroriste mérite de faire un exemple en matière de châtiment. Mais sa fermeté apparente n'est pas du tout crédible. Le téléspectateur lit la panique et le désespoir au fond de ses pupilles. Car là, s'il y a, toi aussi tout effondre. Voir Nicolas si faible dans le poste finit d'achever. Ta geôle de béton bascule de plus belle dans la pénombre. Si tu n'avais pas ces trois enfants en ta compagnie, tu te serais supprimé. Alors des ravisseurs t'emmènent voir un psy dans un centre social. C'est loin d'être Neuilly, mais l'accueil est plutôt chaleureux et amical. Tu te sens mieux par l'état partiellement libéré. Les antidépresseurs prescrivent pouvoir calmement travailler. Et l'alcool fait son entrée remarquée. Le mélange des substances est en train de finir de te métamorphoser. Carla Celia, tu n'étais pas très jolie, mais là tu es vilaine. Tes yeux sont vides et ton corps raconte sa peine. Tu pries pour que ton homme vienne à ton secours. Mais le 9-3 regorge de coins sombres, planque des scélérats et des fourbes. Les années passent, bientôt 5 ans que tu as disparu. Les enfants grandissent et toi chaque jour tu es de plus en plus perdu. La première dame de France est devenue madame tout le monde. De plus en plus de médocs pour éviter que le chagrin ne l'inonde. Carla Celia, ton cœur en mille s'est brisé. Quand tu as vu ton mari en visite électorale dans le quartier. Chérie, tu m'as retrouvé. Que tu lui as dit en criant. Le président de tous les Français t'a honoré d'un regard le plus méprisant. La foule massée nombreuse pour le conspuer. Comme un seul homme s'est esclaffé. Celia, tu as tellement changé, comment aurait-il pu te reconnaître? Une femme amère et avinée qui se fait passer pour la maîtresse de maison de l'Elysée. C'est plutôt vachement drôle, il faut le reconnaître. Carla Celia, ta déchéance est un exemple. Demain on l'enseignera dans tous les lycées de France. Tu as succombé à la misère et au mépris. Tu fais maintenant partie de la souffrance. Carla Celia, ex-première dame de France. J'ai rêvé de toi, un rêve à la fois doux et rance. Doux et rance. Doux et rance. Doux et rance. Doux et rance. Doux et rance. Voilà, donc de retour dans les studios de Radio Campus, c'est Random. Radio Campus 106.6 FM donc. Et vous venez d'écouter donc Carla Celia par Dead Cabal. On avait déjà passé des petites choses de Dead Cabal. On avait passé Musique Libre. Musique Libre, tout à fait, voilà. Voili voilou. Donc voilà, bah, donc pour rester dans les news autour de la neutralité du net, des réseaux, tout ça. Donc il y a une news sur IPv4 qui est en dessous des 5% au niveau de l'espace d'adressage encore disponible à être alloué pour les lire, les opérateurs. Donc en fait, il y a l'IPv4 qui commence à peu à peu à disparaître. L'IPv4, c'est l'internet tel qu'on le connaît actuellement, avec des adresses de 32 bits. Et on va arriver donc à un stade où on va mettre des NAT en place, maintenant des carrières classe NAT, comme on les appelle. C'est-à-dire qu'on va mettre chez chaque FAI des NAT. Des adresses pas publiques. Ouais, on ne sera pas connecté directement à internet, on sera connecté derrière. Le réseau de l'opérateur, en fait. Ouais, derrière des gros pare-feux, même si le NAT n'est pas vraiment un pare-feu, mais c'est pour simplifier. On va pas pouvoir se connecter directement. Il y a les protocoles comme SIP, comme BitTorrent, qui vont être bloqués en utilisant du NAT, ou en tout cas comme FTP forcément ralenti. Ça dépend comment le NAT est fait, mais il y a des chances que le NAT. FTP, ça soit chiant. Voilà. Donc c'est important maintenant que l'IPv4 est en dessous des 5% de vraiment se grouiller de mettre en place au moins des mécanismes de transition vers l'IPv6, de mettre le plus de ressources possible en IPv6. Avec l'IPv6, normalement on a chaque personne a vraiment assez d'adresses IP pour les attribuer à toutes ces machines. C'est combien? C'est 8000 ou... C'est 2 exposant 64 adresses IP, donc 16 milliards de milliards d'adresses IP par connexion, ce qui est largement suffisant. Et ça permet de... Surtout, le plus important, c'est que ça permet de resymétriser le net, de vraiment que chaque nœud à l'extrémité du réseau puisse héberger du contenu, fournir des services, Donc voilà, donc c'est important. Pas comme ce que fait Free avec son IPv6 en carton là. Bah, Free fournit au moins un /64 à tous ses abonnés, à tous ses abonnés dégroupés. Simplement, on n'a pas la maîtrise du routage. Et donc on est tributaire de la box, et là on peut pas trop la chanter. Il y a des mécanismes pour chanter la box, mais c'est moyennement fiable. Déjà que l'IPv6 Free est moyennement fiable. Déjà que Free est moyennement fiable. Sur l'IPv6, pour les abonnés, pour les gens, si genre je veux un abonnement à DSL ou fibre, IPv6 natif, j'ai quoi? J'ai Nerim qui est très cher et FDN. Il y a Nerim, FDN, peut-être d'autres opérateurs, mais concrètement pour un particulier, une asso, ça serait plutôt du FDN, parce que globalement. J'ai pas vraiment testé Nerim, mais ça reste les mêmes technologies, de la DSL principalement. Après, il y a du SDSL et peut-être de la fibre, mais c'est plus cher et ça dépend des endroits. Donc globalement, on est sur les mêmes qualités. Et chez FDN, on peut vraiment avoir son réseau configuré aux petits oignons par soi-même ou éventuellement avec l'aide de membres de l'asso. Et oui, parce que FDN, donc French Data Network, c'est le plus ancien fournisseur d'accès à Internet encore en activité en France. Et c'est une association. Et c'est un associatif. Et justement, voilà, l'Internet qu'on vous délivre en tant qu'abonné, en tant qu'adhérent, abonné de l'association et abonné au service de l'association, ben c'est fait, le réseau est géré par des bénévoles qui savent ce qu'ils font et qui gèrent le truc de manière propre avec des logiciels libres et tout ça, tout ça. Mm. Alors, la dernière nouvelle, toujours sur la neutralité des réseaux, c'est Bruxelles qui veut renforcer donc la protection des données privées et leur contrôle par les citoyens. Donc, une news qui vient de ZDNet. Où, en fait, on nous dit Bruxelles veut mettre en place un droit à l'oubli. Alors, c'est pas exactement le même droit à l'oubli que notre secrétaire d'État à l'économie numérique Nathalie Kosciusko-Morizet. En fait, c'est essentiellement redonner aux utilisateurs de plateformes de réseaux sociaux, entre guillemets, de redonner la maîtrise des droits d'auteur sur leur contenu. Parce que pour l'instant, il y a les droits d'auteur qui sont bafoués sur ces plateformes. C'est l'éditeur qui a le contrôle de tout ça. Comme traditionnellement avec la musique, c'est aussi les maisons de disques qui possèdent tous les droits, ou pratiquement tous les droits sur la musique, et non plus les artistes. Bah là, c'est un peu la même problématique, mais transposée pour les gens. Pour les utilisateurs. Alors, c'est-à-dire que en gros, globalement, à l'heure actuelle, sur Facebook, si je mets une photo ou un contenu quelconque sur Facebook, je transfère les droits d'auteur de ma photo. Pas vraiment les droits d'auteur, mais tous les droits rattachés, tous les droits dérivés sont transférés à Facebook. Facebook peut en faire une exploitation commerciale. On peut pas dépublier une photo de Facebook. On peut éventuellement. Donc Facebook la garde de manière éternelle. Oui, on peut la supprimer de son profil. La faire disparaître, mais en tapant directement la référence de la photo, on arrive sur cette photo. Donc c'est qu'elle n'a pas été supprimée vu que... Elle est juste déliée voilà. Du site web. Elle est déliée. Et là, en fait, l'idée, donc, ce serait de faire en sorte que d'obliger les fournisseurs de services, d'obliger Facebook et consorts... De pouvoir vraiment effacer le compte et pas simplement le désactiver. Et ce, au niveau européen, puisque ouais. Ce serait une directive européenne. Ce qui irait, enfin, la directive européenne va quand même beaucoup plus loin que ce que prévoit l'actuel projet de loi de. Bah c'est surtout que c'est une optique différente, français. Mais à utiliser les mêmes mots de droit à l'oubli, on risque peut-être de dévier sur le fait pour des personnages politiques qu'on puisse retirer des données sur leur passé ou sur des. J'ai peur d'un dérapage, mais on verra ce que ça donne dans les mois ou les années à venir. Alors juste rapidement, tant qu'on est toujours à parler de tout ça, parlons un petit peu du Unicode 6, pour rigoler. Alors oui, donc ça c'est plutôt dans les actualités du logiciel libre. Donc il y a Unicode 6 qui est sorti, donc qui ajoute quelques caractères, donc 2000 caractères, dont certains émoticônes japonais. En gros, c'est juste intéressant de voir que Unicode qui est un codage de caractères qui vise à intégrer le maximum de langues et de symboles utilisés couramment. s'enrichit de quelques caractères. Ils en perdent un peu. C'est intéressant pour les développeurs de logiciels libres d'avoir plus de symboles à disposition, pour les graphistes et les typographes de la même façon. Par contre, ça pose un souci pour les noms de domaine, vu que maintenant on peut avoir des noms de domaine en Unicode. Ils sont en fait modifiés en ASCII dans l'architecture DNS, et donc ils sont transformés en Unicode. Mais là, vu qu'on a des caractères qui disparaissent de Unicode, ils risquent de disparaître des noms de domaine. Donc ça serait... Bon, là, il y a un risque de rendre illégaux certains noms de domaine qui étaient légaux avant. Donc, voilà. C'est toujours chiant, cette histoire de langue et tout. Pourquoi on se met pas tous à l'anglais? Anglais, langue maternelle, non? Uniformisation. Je pense que ça pourrait faire le cadre d'un débat, mais... Uniformisation. Qui dépasse le cadre de cette émission. Tout ouais. À fait. Votre culture, c'est la nôtre. Notre culture, c'est la vôtre. Notre culture, notre culture, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Donc, vu qu'on n'a pas encore parlé assez d'Adopi dans cette émission, on va encore en remettre une couche. Il y a un sondage à la con qui est paru qui dit que 47% des Françaises et des Français trouvent la loi Adopi, je cite, ouvrez les guillemets, inutile. Fermez les guillemets. Donc ça c'est rigolo, il y a eu la news chez Numérama, chez PC Impact, chez ZDNet, chez L'Express, même chez 20 minutes ils en ont parlé, les journaux gratuits de merde qu'on distribue dans le métro, ils en ont parlé aussi. C'est rigolo parce que on commence à avoir des chiffres sur est-ce que la propagande gouvernementale, tu vois, qui dit que la Adopi c'est un truc pédagogique, vous comprenez. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est est-ce que cette propagande fonctionne? Ou est-ce que un petit peu le discours des opposants et opposantes à la loi Adopi, on parle notamment de la quadrature du net, est-ce que ça fonctionne? Les deux sont un peu mitigés parce qu'il y a quand même 47% des Français qui trouvent la loi Adopi inutile. Ça veut dire que il y a plus de 50% des Français qui la trouvent pas inutile. Donc mine de rien, ça se vaut quand même. C'était juste pour dire ça, voilà, de toute façon, la Adopi... C'est inutile. On confirme, si on nous pose la question, on confirme, c'est inutile. Petit truc rapidement aussi sur l'UFC que choisir. Alors parce que autour de l'Adopi, la Adopi qui est un truc que vous comprenez pédagogique, n'est-ce pas, hein, on coupe l'accès internet des gens, c'est tout à fait pédagogique. Fallait pas télécharger en dehors des clous. Il y a autour de l'Adopi, il y a tout un tas de trucs parce que le gouvernement qui sait très bien qu'il a merdé sur la mise en place de l'Adopi depuis 2 ans, même depuis 2007, sait très bien qu'il a un gros retard technologique et pas que technique en fait, sur tout l'état d'esprit des réseaux, il comprend rien tout ça. Donc le gouvernement a mis en place autour de l'Adopi un certain nombre de labs, donc les Adopi Labs. C'est donc des laboratoires, en fait, des petites cellules de réflexion thématique, donc sur différents sujets. Il y en a 5 ou 6, je crois. C'est un Grenelle de l'Adopi, quoi. C'est ça, c'est le Grenelle de l'Adopi. C'est l'espèce de commission, de commission plus ou moins technique. Alors, il y a une commission réseau, il y a une commission DRM, il y a une commission il y a différentes commissions thématiques qui sont censées être animées par des experts. Alors, ce qu'on appelle les experts, on en a parlé la dernière fois de Monsieur Riguidel. Qui a mis en place à lui tout seul le cahier des charges du logiciel de sécurisation des lignes, qui est assez délirant, on vous renvoie à l'émission précédente. Ce genre d'expert en fait. Et donc l'UFC que choisir, association de consommateurs qui est contre l'Adopi depuis le départ, a annoncé qu'elle ne ferait pas partie des experts des laboratoires de l'Adopi. L'UFC que choisir a finalement décidé de ne pas participer à cette mascarade. Voilà. Joyeux monde de l'infosec. On a une petite news, on a 2-3 petites news rigolotes. Ouais, alors nous on voulait parler de Firechip. C'est une extension Firefox pour récupérer en fait les identifiants de cookies de session des gens qui peuvent naviguer sur les sites où faut s'identifier autour de vous. Donc en gros, comment ça marche? Quand vous vous loguez sur un site quelconque, en fait, il y a ce qu'on appelle les sessions, et les sessions sont identifiées avec un numéro généré aléatoirement, et ça vous met un petit cookie qui porte ce numéro. Et vous êtes identifié aux pages suivantes pour pas à chaque fois devoir vous identifier, parce qu'il n'y a pas de session dans le protocole HTTP. Donc on est, en gros, on a un petit numéro qui nous suit, et pour pas avoir à se réidentifier à chaque page. Et en gros, cette extension de Firefox, en fait, va récupérer tous ces petits numéros qui va voir passer, et il va les rendre exploitables par vous. Donc, vous êtes par exemple sur un hotspot Wi-Fi public et qu'il y a plusieurs personnes qui consultent leur compte Facebook ou autre, eh ben vous allez pouvoir en fait naviguer à leur place avec votre PC, avec cette petite extension. Sur leur compte en vous faisant passer pour eux. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est rendu très très accessible, parce que bon, une petite extension Firefox, c'est pas non plus super dur à utiliser. En plus, il y a quelqu'un qui l'a testé un petit peu, qui nous a fait un petit compte rendu. Elle a l'air très ergonomique, facile à utiliser. Ça marche très bien, par exemple, dans les hotspots Wi-Fi des McDonald's ou autres. T'arrives avec ton ordinateur portable au McDo, tu te logs sur Facebook pour mettre des photos de ton truc, et puis hop, et ben en fait, ton cookie de session, il se balade, il est lisible par tout le monde. N'importe quelle personne qui a Firefox, qui est connectée au même réseau Wi-Fi du même McDo au même moment, voit passer son truc, et puis avec cette petite extension, on peut se loguer, il y a juste qu'à cliquer. Alors, petit bémol, c'est disponible uniquement sur Windows et Mac pour l'instant. La licence, je sais plus, j'ai pas. Mais bon, bref, on a le code source accessible, donc on pourrait le compiler pour les autres. Par contre, ça marche que sur du 32 bits. Donc, il n'y a pas le 64 bits. Je crois que c'est en fait parce que ça utilise la lib backup en dessous, et que du coup, il faut les bons liens, etc. Ouais. Parce que l'extension Firefox, il n'y a pas besoin de la compiler en fait. L'extension en elle-même, elle va pouvoir fonctionner. Sur n'importe quel Firefox, sur n'importe quelle plateforme. Ça... C'est juste que la lib backup en dessous, elle, par contre, elle est plus dépendante du matériel. Ouais. Mais ça dépend des extensions. Des extensions. Moi, je sais que par exemple, tu vois, sous FreeBSD, je peux pas utiliser des extensions Linux, quoi. Ah ouais ? C'est particulier. Il y a des petites choses quand même. Bon, voilà. Et voilà, moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'une semaine après, est sorti Fire Shepherd, qui est en fait un anti-Firechip. C'est-à-dire que c'est une extension Firefox toujours que vous installez et qui vont bombarder en fait de faux cookies. Et comme Fireship de l'autre côté va essayer de les récupérer, en fait ça va au final le faire planter. Donc voilà, c'était une petite guéguerre d'extension. Il y a une solution plus simple que Fire Shepherd, c'est déjà d'utiliser du HTTPS. Qui n'est pas accessible partout, tous les sites ne le fournissent pas. Oui, et c'est important, bah, peut-être ouais. Que la plupart des sites se bougent, notamment les sites qui font des réseaux sociaux, qui permettent d'accéder à un compte client. Et puis aussi, utiliser des réseaux Wi-Fi sécurisés, tant qu'à faire. Oui, mais bon, des fois, ton déplacement, t'as pas trop le choix. Ouais. Voilà, voilà. Non, sinon, il y avait aussi Google, justement, à ce propos-là, qui avait sorti une petite note d'un de leurs développeurs qui expliquait pourquoi, en fait, en général, on dit non, moi, je mets pas de HTTPS parce que c'est contre-performant. Enfin, voilà, ça va bouffer un peu les performances de mon serveur. Et il y a un mec qui a sorti une petite doc technique en disant, bah non, pas forcément. C'est souvent une des reçues. Il y a des moyens d'implémenter HTTPS et de faire des choses pour alléger, en fait, la charge du serveur. Qui vont soit compenser, soit même améliorer les. Donc voilà, c'est dans certains cas une idée reçue. Bah et puis même, de toute façon, il y a des accélérateurs graphiques, enfin des accélérateurs cryptographiques matériels. Maintenant. Oui, maintenant, oui. Donc bon, voilà, c'est un coup quand même. C'est un coup quand même. Sinon, il y a la solution aussi plus péchue que HTTPS, c'est de se faire un VPN. Non, mais quand on se balade sur les accès publics. Voilà, ah bah oui, carrément. Tu tapes sur ton VPN et puis voilà. Voir juste encapsulé dans. Il y a donc dans du Tor qui ne chiffre pas mais qui fait des petits trucs en oignon, ça va déjà encapsuler les infos dedans, et je suis pas sûr que l'extension Firechip va aller aussi tout décapsuler. Ouais, je pense non plus. Après bon, Tor là niveau performance effectivement. t'avais une news sur IE. Oui, alors là on a une petite faille 0D qui est vraiment compatible avec tous les navigateurs de Microsoft. Les navigateurs encore utilisés. Donc il y a une faille pour IE 6, 7 et 8 qui touche les navigateurs, qui a déjà été exploité par des sites de réservation, via des sites de réservation en ligne. Donc ça permet d'avoir les droits dans le navigateur et dans l'ordinateur et donc d'exécuter du code malveillant. Oui. Donc voilà. Donc on ne saura trop vous recommander d'utiliser un vrai navigateur. IONEF. Non, je plaisante. Quoi ? Non, moi je plaisante pas. C'est de la balle, IE. Sérieux. C'est de la balle. C'est trop bien. Juste vite fait, pour finir, on avait là une petite news ou deux sur N'ayez pas peur, faites-nous confiance. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Allez-y. Non, c'est toi. Bon. Toi, les journalistes. Oui, donc, j'allais prendre la news, du coup. Ouais, prends-la. Donc, on a deux premières news qui touchent Wikileaks. On a tout d'abord la société qui permet de collecter les dons de Wikileaks, qui a été touchée, qui a été blacklistée par les autorités financières australiennes. Et qui a été mis sur une liste de surveillance par le fisc américain. Le Wikileaks maintenant risque d'avoir des soucis pour avoir des fonds pour fonctionner. Qu'ils aillent voir Tony Muselier, il va bientôt sortir de Toll. donc on voit que les gouvernements qui sont gênés ne reculent devant aucune. Bassesse pour faire taire Wikileaks, donc voilà. C'est là. Et là, il y a encore une news rigolote aussi. Toujours en fait sur l'affaire Verdes Vettancourt. Je crois que c'est peut-être le seul truc on doit peut-être être la seule émission de Radio Campus à pas avoir parlé de l'affaire Verdes Vettancourt. Puisqu'en fait, on a appris cette semaine qu'il y a un certain nombre de journalistes. Alors, il y en a un du Point, un du Monde. Et un Libé qui s'est fait cambrioler et chouraver son ordinateur portable. Et c'était trois journalistes qui avaient en point commun de faire de l'investigation sur l'affaire Wörth, Vettancourt, Sarkozy, L'Oréal, La Totale. Ils se sont fait chouraver leur ordinateur portable. Oh tiens, comme c'est bizarre. En pleine affaire. En plus, il n'y a même pas eu d'objet de valeur volé, baladeur, etc. C'est juste l'ordinateur et le GPS avec traceur de l'un des journalistes du Monde. Là, on peut se poser vraiment des questions sur le fonctionnement des journaux. Parce que pour des journaux qui travaillent sur des dossiers aussi brûlants, ou pour des journalistes indépendants, ne pas avoir de copie de sauvegarde ou même pas de chiffrement sur son ordinateur, parce que je pense que ça doit être des Windows configurés classiquement, ça pose un véritable souci. La première et la moindre des choses quand on fait de l'investigation et qu'on a des données un peu sensibles, c'est de les protéger. Voilà ce qui arrive quand on protège pas ces données. Ouais, enfin bon. Ceci dit, ça n'excuse pas le fait que de toute façon l'ordinateur portable, il n'avait pas été chouravé. Bon. Mais il y a des solutions simples, c'est des choses qu'on répète depuis un an dans Random. S'il y a des solutions simples, c'est pas compliqué. Il y a même Jean-Marc Manac, qui est un journaliste qui fait souvent des sujets assez complets sur l'informatique, sur le monde hacker, qui avait publié un article sur comment les journalistes peuvent sécuriser leurs infos. Et alors là, tu nous offres une transition royale, parce que Jean-Marc Manac... parce que du coup, il y a eu le Plastic Hackerspace Festival la semaine dernière. On en avait parlé dans la dernière émission de Random. On avait eu une interview et on va en avoir une là. Avec le temps qui nous reste, ça devrait se faire. Et Jean-Marc Manac... Il y a eu une couverture presse assez intéressante du Plastic Hackerspace Festival, notamment un article de Manac qui est paru dans Le Monde, Donc c'est pas rien quand même. Et voilà, Jean-Marc Malac, un des rares journalistes à bien faire son boulot sur le milieu hacker et sur le numérique de manière générale. Alors justement sur le PHSF, on avait un invité spécial. Ouais, on va peut-être faire une petite pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Ouais. Voilà, donc vous venez d'écouter Flybass, c'est Steve qui fait ça, c'est une version un peu retouchée par Tom Voxhams, disponible sur l'album Quickstart. Voilà, donc on va retourner sur notre dossier, retour sur le Plastic Hackerspace Festival, et nous avons un invité en ligne, est-ce que tu nous entends? Allô? Ah, apparemment on n'a pas le... Allô, allô. Donc, au niveau du... Donc le Plastic Hacker Space Festival, donc c'était un festival hacker qui avait lieu donc la semaine dernière, donc au Templab de Vitry-sur-Seine. Donc il y a eu pas mal de sujets intéressants qui ont été traités. Il y a eu une conférence à la soirée du vendredi sur la Volta. Donc la Volta, c'est une voiture qui avait été commandée par EDF, une voiture électrique donc qui se rechargeait sur les sources d'énergie d'EDF, et qui a donc été, il y en a deux qui ont été récupérés par l'Electrolab, qui est un autre hackerspace parisien. Et donc les voitures ont été démontées, les pièces changées. Il y a des recherches qui sont faites pour améliorer un peu donc la récupération d'énergie, notamment par ces voitures-là. Plutôt qu'en chargeant des batteries et en grillant ces batteries en envoyant trop d'énergie, le but en fait c'est d'utiliser des gros condensateurs assez énormes, comme épais comme un bras, pour stocker vraiment beaucoup d'énergie très temporairement et tout de suite la réutiliser dans le moteur. Donc sans avoir à passer par les batteries, ça fait moins de cycles de charge et décharge des batteries, le but étant vraiment de ne pas avoir de cycle de charge pendant le fonctionnement de la voiture, qu'un cycle de décharge et ensuite de la recharger à la fin du parcours de la voiture. Voilà, donc là c'était l'une des conférences assez intéressantes. Il y a eu tout au long de la soirée, il y a eu donc donc il y a eu des concerts de musique électro et de musique expérimentale, quelques artistes de chiptunes, de techno, et de la musique d'aquarium. Alors de la musique d'aquarium, pour un peu expliquer ce que c'est donc de la musique générée par des bruits qui touche un aquarium, une goutte d'eau qui tombe dedans, un choc contre l'aquarium, avec un micro aquatique fait maison. Et donc voilà. Le même artiste en fait utilisait aussi des disques durs pour générer de la musique. En fait, en faisant tourner les moteurs des disques durs et en faisant donc tourner les disques avec les informations qui étaient écrites dessus, et en récupérant la tension des aiguilles d'écriture et de lecture pour générer du son. C'était pas mal. Peut-être qu'on en écoutera un extrait dans la prochaine émission de Random. Donc voilà. Je pense que on peut peut-être passer notre invité ou... Allô, tu nous entends? Non. Bon. Désolé, on a un petit souci technique avec le téléphone. Bon, on va continuer sur le. Hackerspace Festival. Avec un peu tous les ateliers qui ont eu lieu. Qui ont eu lieu en dehors des conférences. Il y a eu la fabrication à partir de machines de prototypage rapide, donc RepRap, MakerBoy et machines de prototypage maison, de nouvelles RepRap en fait à partir des autres machines de prototypage rapide. On a eu l'occasion donc de comparer un peu de comparer les différentes machines entre la MakerBot, qui vraiment c'est un truc qui est fait pour être monté en kit vite, mais sur lequel on peut pas vraiment venir bidouiller. La RepRap, où on peut vraiment fabriquer toutes les pièces par rapport à la MakerBot, où c'est pas vraiment possible. Et on peut venir apporter quelques améliorations si on en a les capacités. Et avec ensuite la machine de prototypage rapide qui avait été faite par Ladislas, qui là est vraiment une machine de prototypage rapide faite maison, avec même Donc l'utilisation d'un fer à défriser pour réchauffer le plastique et éviter qu'il... Allô ? Tu nous entends ? Oui. Ah. Voilà, donc on va peut-être laisser un petit peu la place à notre invité et commencer l'interview téléphonique. Excusez-nous, hein, peut-être que petite gêne technique. Donc, tu peux commencer par te présenter, je pense. Ouais, alors c'est Ladislas de l'orga du PHSF. C'était eu il y a deux semaines, c'est ça. Mmh. Little Charlie, il a pas mal expliqué le truc. Donc, ouais. Ça s'est super bien passé. Tu veux que je t'explique Ouais, bah explique-nous déjà qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu du monde, est-ce que c'était... du monde, bon, on n'a pas trop de système de comptage super fiable, donc on va envisager que peut-être qu'il y a eu peut-être 150 à 200 personnes, je sais pas, pendant les jours, enfin, du vendredi soir au dimanche soir, et ouais, super bien passé, des bons concerts le soir, des ateliers les après-midi et puis en même temps en parallèle des conférences, des petites présentations. Quoi dire, il y avait surtout un bon mélange de à la fois des gens qui travaillent sur le design libre, les objets tangibles open source, tu vois, donc Milkymist, etc. Milkymist, etc. Alors malheureusement Monsieur Milkymist n'était pas là, il me semble. Kernel était pas là, parce que maintenant il est à Berlin, mais c'est vrai qu'il manquait dans le volet FPGA et puis intégriste. Mais sinon il y avait pas mal les rep rap étaient pas mal représentés. Il y avait à la fois deux amis, Gérard et Bernard, qui ont une Mendel. La machine un peu officielle, et puis donc il y avait John de Cable Devices qui était venu avec une MakerBot, un autre copain qui a une MakerBot qui faisait des petits toasts pour l'anecdote en forme de, enfin avec des dessins de Duché. Voilà, ça faisait bien marrer les gamins qui s'étaient passés, et puis moi j'avais donc deux copines qui voulaient fabriquer leur mini Mendel. Ça c'était bien, ça a bien avancé aussi. Quoi dire d'autre au niveau des films et des conférences, enfin des différentes trucs vraiment artistiques pour le coup. Alors ouais, artistique, donc là en fait la soirée d'ouverture qui a été initiée par Lady Slide, une guest. Après on a enchaîné sur des films un peu qu'on pensait un peu représentatifs du truc de la fin, comment satisfaire ses désirs, aller chercher un peu dans des endroits reculés. Donc il y avait une projection du le chant du styrène d'Alain René, qui est aussi un film assez drôle qui s'appelle Conspiration of Pleasure de Svank Meyer. Un film improbable où des gens hackent des objets de tous les jours pour arriver à l'extase. Ça mélangé par avec une il y avait Crafty qui présentait comme disait Charlie ses voitures électriques, puis après ça s'est fini par des mix des gens qui posaient du son, voilà. Il y avait Cerveau, il y avait Anton Mobine, j'ai pas tous les noms en tête là, mais voilà, des petites soirées vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, voilà. Et puis et du coup je suis désolé parce que il reste vraiment une minute. Ouais. Donc on va te laisser le mot de la fin. Ok, le mot de la fin, on espère refaire le truc l'année prochaine sous une autre forme, parce que voilà, à chaque fois ça change de forme et puis on improvise, et puis de toute façon c'est la surprise. C'est la surprise, il y a d'autres événements prévus sur Paris dans un avenir proche. On va se reposer un peu là. Et puis on va réfléchir à d'autres trucs un petit peu fous à faire tôt, et puis voilà. D'accord. Vous serez, il y aura un stand Hackerspace au CCC ou à Berlin? Ouais, il y a des chances, oui. On va essayer de prendre nos tickets à temps cette année. Sur le web là maintenant. Et voilà quoi, ouais, rendez-vous au CCC à Berlin, ouais. Donc ce sera du lundi 27 au jeudi 30 décembre 2010, donc le 27e Chaos Communication Congress, 27C3, à Berlin en Allemagne. Toutes les infos sur events.ccc.de. Et il est 20h. On va te remercier, Ladislas, pour toute cette, déjà pour l'orga, pour tout ce que tu as fait, et puis pour avoir bien accepté de supporter notre incompétence technique flagrante. Oui, encore désolé. Hein. Voilà. Donc bah bonne soirée. Au revoir. Et on vous laisse, auditeurs et auditrices de Radio Campus, avec votre émission électro préférée, Chupa Pimento, jusqu'à 21h. C'était la 27e émission de Random, l'émission du groupe Dégénéré Science Lille. On vous retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, à cette heure-ci, il y aura l'écho des gnous, l'émission des casse-cou. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.